En juin 2016, le journal satirique diffuse la liste des plus grands miraculés de l'ISF, sur laquelle figurent les 50 contribuables français les plus riches, qui en 2015 n'ont pas ou peu payé d'impôts sur leur fortune. Il s'agit d'optimisation fiscale, oui, mais à sens unique. Car quand on sait que les 10% de Français les plus riches possèdent 60% du patrimoine total des Français, eh bien nous dirons que c'est le contribuable qui optimise, pas l'État. We walk around pretending we're all grown up. Hey rich girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and that's all down. I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. We're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and that's all down? I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. Last weekend, he was like, come on man, you have to point out everything that's bad. So there's a broken mirror on my bed, I clean it up, so what? You don't have to be such an asshole all the time. Don't be like that, she said. Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'impôt sur la fortune. Notre invité, Thomas Porcher, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en économie et membre depuis 2016 des économistes atterrés. Vous avez écrit le traité d'économie hérétique chez Fayard en mars dernier et vous avez également fondé le mouvement Place Publique avec l'essayiste Raphaël Glucksmann et la militante écologiste Claire Nouvian, entre autres. À ce propos, qui sont les économistes atterrés? Alors, c'est une association d'intellectuels. Je crois qu'il n'y a pas que des économistes, hein. Il y a aussi de... Il n'y a que des économistes. Enseignants-chercheurs, donc des gens qui ont un doctorat d'économie, hein, donc bon. Des vrais économistes. Et vous n'avez pas d'analyste politique autour de vous, c'est non, non, c'est des économistes qui ont fondé ce mouvement en 2011 suite au choix de la zone euro de rentrer dans l'austérité. Et là, ils avaient écrit une tribune, Henri Sterdignac, André Orléans, à l'époque, Benjamin Coria, avait écrit une tribune où ils disaient que voilà, ils trouvaient qu'ils étaient atterrés par la politique menée par la zone euro. Et d'ailleurs, ça s'est vu, hein, puisque la croissance a été très faible et beaucoup de pays n'ont pas retrouvé leur niveau de richesse d'avant-crise. Et donc, ça a commencé sur une tribune, puis un livre, puis une association, et voilà, avec des gens qui ont rejoint cette association, dont moi en 2016. Et votre objectif, c'est de faire comprendre, si telle est la vérité, que ce chemin des rigueurs budgétaires crée du malaise social, des difficultés sociales, que ça ne booste pas la croissance, bref, que c'est pas le bon chemin. C'est ça votre but? Exactement, exactement. Mmh. Et puis de proposer aussi d'autres voies, de dire qu'en fait, en économie, il n'y a pas qu'une seule voie. voie. Il y a des alternatives, il n'y a pas qu'une seule voie, comme disait Margaret Thatcher, ou Emmanuel Macron disait l'autre politique est un mirage. Non, en économie, vous avez plusieurs avenirs possibles, et il faut que ces avenirs soient débattus sur un pied d'égalité. Il n'y a pas qu'une seule voie, et les économistes atterrés proposent d'autres voies, des propositions pour changer l'Europe, pour avoir une autre économie, en réalité. Voilà, que celle que nous vivons depuis une trentaine d'années en France et aussi dans d'autres pays d'Europe et même du monde. Alors selon vous, c'est quoi le... quels sont les chemins à suivre? Quel serait le chemin à suivre qui serait une politique alternative à celle de la zone euro? Bah vous regardez la zone euro, vous regardez quand vous comparez la zone euro et les États-Unis. Les États-Unis sont sortis de la crise, ont fait une politique de relance beaucoup plus forte en point de PIB que la zone euro. Ils ont mis 3 ans à retrouver leur niveau de richesse d'avant-crise, c'est-à-dire le niveau de richesse de 2007. Ils ont mis 3-4 ans à le retrouver. La zone euro a mis 8 ans et vous avez toujours aujourd'hui la Grèce, le Portugal, l'Espagne qui n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de richesse d'avant-crise. Et vous avez des régions même en France, les Hauts-de-France et le Grand Est, qui n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de richesse d'avant-crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui naît dans le Grand Nord est plus pauvre qu'il y a une dizaine d'années. Mmh. C'est hallucinant. Donc clairement, la politique de la zone euro consistant à réduire trop rapidement les déficits alors qu'on était dans une période de crise a été un échec. Et d'ailleurs, cet échec a été reconnu par tout le monde, y compris par Emmanuel Macron quand il était candidat, dans cette interview qu'il avait fait aux Échos où il présentait son programme. La première question était sur la zone euro. Il reconnaissait qu'il y avait une réduction des déficits qui avait été beaucoup trop rapide. Le problème, c'est que pourquoi il continue dans cette voie-là? C'est une vraie question. Mais il reconnaissait en tous les cas que l'erreur avait été faite. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un consensus sur le fait qu'on a réduit trop rapidement les déficits. On a pratiqué de l'austérité à un moment où on aurait dû faire une politique contracyclique, c'est-à-dire de relance face à la crise qui vient des États-Unis, qui s'est transformée en crise de la zone euro. Mais quel type de relance? Une relance à keynésienne, à l'ancienne, par la consommation? Ou est-ce que c'est possible aujourd'hui? La relance, alors déjà, il faut soutenir l'activité. Donc, effectivement, en période de crise, il fallait soutenir l'activité. Donc, pour soutenir l'activité, on peut faire une relance, si vous voulez, comme vous dites, à l'ancienne de keynésienne. Mais aujourd'hui, la relance, c'est aussi de l'investissement dans des secteurs d'avenir. La transition énergétique, voilà, a besoin d'argent. Le secteur privé ne veut pas y aller ou n'y va pas suffisamment. Je rappelle que l'ensemble des pays européens n'ont pas respecté l'accord de la COP21 qu'ils ont signé, y compris la France. Donc voilà, là, il y a des investissements publics à faire, mais aussi des investissements dans les services publics. Vous avez aujourd'hui beaucoup de services publics, des hôpitaux qui se plaignent de ne plus avoir de moyens, des écoles qui se plaignent de ne pas avoir assez de moyens et pas assez d'enseignants. Donc là, vous avez un investissement qui peut être fait, public, et pour des choses qui ne sont pas délocalisables, l'éducation, la santé, c'est pas délocalisable, on peut pas aller là. Donc vous voyez, donc là c'est un investissement qui créerait de l'emploi et qui pourrait relancer l'économie. Donc il y a des secteurs d'avenir ou dans le service public où on peut faire des investissements qui sont assez rentables. La croissance verte, c'est un oxymore pour vous? C'est un chemin à prendre, la croissance verte? La croissance verte, ça dépend ce que l'on met dedans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les énergies renouvelables, on a besoin d'une forte croissance pour le coup, puisqu'on a des objectifs européens de 20% d'énergie renouvelable d'ici à 2020, 30% à 2030, ils ne seront pas tenus si on regarde les prévisions, donc là, la croissance économique... Dans ce domaine-là, on en a besoin. Maintenant, parler de croissance verte, ça consiste à verdir une croissance économique dont on voit les limites, puisque finalement, quand vous regardez les courbes aujourd'hui, vous avez une courbe de la croissance qui augmente et vous avez une courbe qui est corrélée des émissions de CO2, c'est qu'il va falloir un petit peu, à un moment, se poser la question de la finitude des ressources. Bien sûr. Alors, on va revenir à nos moutons, si je puis dire, qui ne sont pas très éloignés de ce qu'on vient de dire, d'ailleurs. L'impôt sur la fortune. En 1982, quand le gouvernement socialiste décide de mettre en place cet impôt, qui deviendra, rappelons-le, en 88, l'ISF, est-ce que c'est une invention française? Spécificité française, ou est-ce que ça existe ailleurs? Non, ça existe. Même encore aujourd'hui, il y a un ISF. L'Espagne l'avait supprimé et l'a remis. Il me semble qu'en Hollande, il y a aussi une forme d'ISF. Vous aviez au début une taxation sur les hauts patrimoines qui portaient des noms différents, mais pratiquement dans tous les pays riches, y compris aux États-Unis, il y avait une taxation très forte des hauts patrimoines. Et puis après, le tournant des années 80, capitalisme plutôt libéral, type Thatcher, Reagan, là vous avez la fiscalité qui a baissé pour tout le monde et surtout pour les plus riches. Et on voit le résultat, partout cette fiscalité a baissé, où les transferts, même les transferts, les prestations sociales et les transferts ont baissé, vous avez eu des inégalités qui ont augmenté très fortement. La France a ces inégalités qui ont augmenté, mais moins fortement que ces pays-là, justement parce qu'elle a conservé une fiscalité un peu plus forte en moyenne que ses voisins européens. Donc non, c'est pas quelque chose de spécifique à la France. Et encore aujourd'hui, il y a peut-être moins de pays qui l'ont, mais il y avait encore quelques pays qui l'avaient. Et quoi qu'il en soit, Encore une fois, on n'est pas obligé de toujours copier les autres pays. On peut avoir à un moment son propre style. Hein. On a le droit aussi. Hein. Parce que moi, j'ai évolué dans un monde. J'ai fait mes études quand j'étais jeune. Il fallait qu'on soit tous anglais, après américain. Maintenant, il faut être allemand, suédois. Il ne faut jamais être français. Donc là, le rendement de l'ISF en France était un rendement quand même. On était à 4-5 milliards cette année s'il n'y avait pas eu de réforme. Et c'est un rendement qui a augmenté d'année en année. Oui, donc quelque part, on récupérait. Oui, on récupérait les sommes. Et la fuite qui a été dit dans le reportage, qui est assez intéressante. Parce qu'on voit qu'il y a un discours monocorde. Depuis 30 ans, cette fuite des gens, elle est chiffrée, cette fuite. Quand vous partez, quand vous quittez, vous ne voulez surtout plus payer les impôts, donc vous allez vous identifier au centre des impôts en disant je pars, je ne veux plus payer l'ISF. Et c'est chiffré. Il y a 800 personnes qui partent par an. 800. Mm-hmm. Il y en a 300 qui reviennent, 300 quand même qui reviennent. Donc ça fait 500 par an qui partent. D'accord ? 500 sur 340 000 ménages qui paye l'ISF, et chaque année de plus en plus de ménages, puisque l'immobilier augmente et les revenus financiers font que les gens, quand vous avez des revenus financiers, ça fait des petits, donc ça crée de l'argent. Donc vous avez le nombre de contribuables qui augmente et vous avez 500 personnes qui partent. Ce chiffre a été estimé sur 10 ans par Bercy. Si on prend aujourd'hui, le chiffre avait été chiffré entre 2002 et 2012 à 170 millions de pertes. 170 millions de pertes par an. L'impôt rapportait 4 milliards. Aujourd'hui, en faisant une fourchette large, on serait à 250-300 millions de pertes par an, sur un ISF qui rapporte 4 milliards. Donc aujourd'hui, on réforme l'ISF, et on accepte de perdre 3,5-4 milliards pour une perte de 200 millions, c'est ridicule. Donc cette fuite, elle n'était pas du tout, il y avait une forme des gens qui partaient, 0,2% des assujettis, c'est tout. Le reste, ils payaient leurs impôts, ils restaient. Alors, si j'essaie de comprendre, le produit comptable de l'ISF, produit comptable, il n'est pas énorme, je veux dire. Là, qu'à 4 milliards, 4, tout bon, compris 5 milliards, la partie de 3,5 milliards. Mais 5 milliards, c'est 5 milliards. C'est pas rien. Si on regarde le budget de l'éducation, c'est important. Ouais. Ça n'est pas rien, effectivement. Ouais. Mais est-ce que le problème... Le plan hôpital, c'est pas 5 milliards. Enfin, voilà. Bon, d'accord. C'est pour ça que si, d'un point de vue comptable, on estime que ça rapporte et qu'il faut surtout pas s'en passer, mais on peut aussi considérer que ça rapporte pas tant que ça, et que la mesure, elle est très politique. Est-ce que c'est une mesure politique avant d'être une mesure fiscale, l'ISF ? Est-ce que c'est un totem identitaire de la gauche ? Je pense qu'il faut regarder l'évolution des patrimoines. Là, on parle des 1% les plus riches. C'est ça, ceux qui payaient l'ISF, c'était les 1% les plus riches. Ils détiennent quoi comme patrimoine ? Ils détiennent 25% du patrimoine français, c'est-à-dire de l'immobilier, des placements financiers. 25% les 1%. Ce patrimoine a augmenté ces 30 dernières années. Les 1% les plus riches ont un patrimoine et même un revenu qui a augmenté plus vite que le reste de la population. Ça, c'est important à dire, d'accord ? Malgré l'existence de l'ISF. Donc, ils ne se sont pas appauvris. Ça, c'est une chose. Cet impôt avait un rendement. Il rapportait de l'argent. Donc, pourquoi s'en passer ? Et il n'y avait pas cette fuite qui nous a été dit, parce que cette fuite n'a jamais été chiffrée. Les gens, ils disent que non, la fuite, c'est 500 par an. Donc, pourquoi s'en passer ? C'est la vraie question que je me pose. Alors même qu'aujourd'hui, encore dans les années 80, quand on entend les conversations dans les années 80, on peut se dire qu'à l'époque, ils pouvaient y croire. Parce que tout le monde baissait la fiscalité des plus riches en se disant que ça allait relancer l'économie. Mais aujourd'hui, on a 30 ans. Pourquoi on ne tire pas un bilan ? Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ? Les 1% sont devenus extrêmement riches. Aux États-Unis, extrêmement riches. Il y a eu des inégalités qui ont augmenté très fortement. Et Trump, quelqu'un comme Trump, a fait son élection sur les classes pauvres, ceux qui n'ont pas profité de ces 30 dernières années, pour passer au pouvoir. Donc les deux pays qui ont le plus baissé la fiscalité sur les plus riches, qui ont les inégalités qui ont le plus augmenté, à savoir les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont comme par hasard le capitalisme Thatcher-Reagan, c'est politiquement, ça donnait quoi ? Trump-Brexit. Donc pourquoi on doit s'empresser à rejoindre cette dynamique qui est mortifère d'un point de vue politique? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Donc aujourd'hui, la suppression de l'ISF, on n'est pas dans les mêmes conditions qu'en 80, 85, 90, où là les gens pouvaient dire oui, bon, peut-être que ça va relancer l'investissement. On connaît, on a le bilan de cette expérience. Voilà, un retour d'expérience. Alors pourquoi on ne tient pas compte de ce retour d'expérience? Pourquoi on s'empresse à rattraper ces expériences qui ont été désastreuses? Je me pose la question. Bien, on va écouter un reportage d'Anel Verzo que je vous présente, qui vient d'arriver dans le studio, qui est notre reporter. Bonjour. Et nous allons réécouter votre reportage, Anel, que nous avions diffusé pour la première fois dans notre émission le 19 septembre 2017. Alors, vous étiez allé à la fête de l'UMA, recueillir les témoignages sur la suppression alors annoncée de l'ISF et son remplacement par l'IFI, un impôt sur la fortune immobilière uniquement. Voilà, et vous allez l'entendre, les témoignages font tout à fait écho à ceux que nous entendons en ce moment même dans les cortèges des Gilets jaunes. Eh bien, goûtons. Non à la loi travail XXL, oui au progrès social. pâtons d'aubergine, soupe de poisson, gardenne de taureau, civet de porcelet. Voilà. Tu m'interroges sur, je vous interroge sur la suppression de l'ISF. Comme d'habitude, c'est toujours les riches qui profitent du système. Et nous, il faut qu'on paye. On arrive déjà difficilement à vivre, que ce soit les actifs comme les retraités. Et on doit accepter que nos dirigeants prennent l'initiative de supprimer des impôts sur la grande fortune. Solidarité, ça veut bien dire solidarité. Ça veut dire que tout le monde doit payer des impôts. Sur le site d'En Marche, donc du site du président de la République, il est écrit que c'est pour soutenir ceux qui prennent des risques. C'est bien. Quel risque ? Ils prennent des risques. Quel risque ? Quel risque ? Normalement, l'argent doit servir à l'investissement. Il investit où ? On prend l'argent, on l'investit, oui, dans des actions en bourse, dans des... Ça rapporte quoi ? Sachez quand même que nous, on trouve ça dégueulasse, et le mot est léger. Comment vous appelez, monsieur ? Denis. J'étais électricien avant. On n'est plus dans le système d'entraide d'aider les gens qui sont les plus défavorisés. On est en train de favoriser ceux qui sont les plus riches. Voilà. Oui, allez-y, vous avez du travail. Ouais, exactement. Je ne sais pas si vous payez l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Non. On est étudiants, alors pas vraiment. On n'est pas vraiment concernés, du coup. Concernés par les APL. Ouais, voilà. Quand on regarde l'impôt, qui paye l'impôt, combien il y a de fraude fiscale. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Dominique Mogard, retraité cheminot. Et vous, madame? Elisabeth Mogard, moi je suis une jeune retraitée, j'ai travaillé à la sécurité sociale. Et qui fait la fraude fiscale? C'est 60 à 80 milliards d'euros manquent à la France avec l'évasion fiscale. Et ça, c'est pas les ouvriers qui font la fraude fiscale. Hein. Ça, on est en marche arrière, là. C'est pas en marche, c'est en marche arrière. C'est en marche arrière. Ce qui est vache dans cette affaire, c'est qu'on nous présente, il faut réduire le déficit budgétaire de la France. Donc il faut des mesures. Et en même temps, il va réduire l'impôt sur la fortune. Et il nous dit qu'il faut réduire le déficit budgétaire de la France. Il n'y a pas une contradiction là? Donc il va nous faire payer à nous pour donner plus de cadeaux aux financiers. Le fort du premier, mais il est là. On utilise le déficit pour culpabiliser les gens. Mais pour désengager le capital du financement du collectif, de l'humain en France, dans sa diversité. Parce que l'argent de l'impôt, elle sert quand même à investir pour les collectivités locales, pour la santé, pour les services publics. Donc elle a une dimension sociale, l'impôt. C'est grave de penser que l'impôt, c'est quelque chose de moche. L'impôt doit servir au progrès social. Ou c'est pas normal, c'est que les riches payent de moins en moins d'impôts et les travailleurs, ils en payent de plus en plus. Qu'est-ce que ça vous inspire, Thomas Porcher? Je rappelle que c'est un reportage réalisé à la fête de l'UMA, où, j'imagine, Anaël, on ne trouve pas beaucoup de gens favorables à la suppression de l'ISF. Mais il y a une argumentation, qu'est-ce que vous en pensez? Non, il y a une très bonne argumentation. C'est la première personne qu'on interroge dit une chose très intéressante. Quand Emmanuel Macron a supprimé l'impôt sur la fortune sur les placements financiers, il l'a supprimé pourquoi? Parce qu'il s'est dit, voilà, et maintenant ces gens-là, ils doivent investir, donc on ne doit plus taxer, et ils vont investir leur argent. C'est ce qu'il dit en France. Mais en fait, ce que dit dans le premier reportage, ils achètent des actions, mais il a tout à fait raison. S'il voulait vraiment, Emmanuel Macron, que l'ISF serve justement à investir avec cette réforme, il aurait juste pu le notifier, qu'on fasse la preuve qu'on a vraiment investi dans une entreprise pour être exonéré de l'ISF. C'est pas le cas. Donc là, c'est un pari qui a été fait. Or, si vous avez 50 millions de fortune, 80% de votre fortune, c'est des placements financiers. C'est pas de l'immobilier, là. Des placements. Donc là, vous êtes exonéré, vous récupérez plein d'argent. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Vous allez acheter d'autres actions. Vous allez acheter des actions en bourse. 99% des actions en bourse que vous achetez se font sur le marché secondaire. C'est-à-dire que l'entreprise n'en voit pas la couleur. C'est la personne à qui vous l'achetez qui, elle, fait une plus-value ou une moins-value, etc. Donc, il ne faut pas confondre investissement et spéculation. Or là, rien n'a été fait pour empêcher la spéculation et favoriser l'investissement. On part d'un pari que les gens vont comme ça investir dans des PME du coin avec l'argent qu'ils vont récupérer. Alors peut-être certains vont le faire, quelques start-upers, mais je ne crois pas que majoritairement on va faire ça, on va faire de l'optimisation, de gains, etc. En les mettant sur les marchés financiers. Ça c'est la première chose. Donc ils ont raison là-dessus. Ils ont entièrement raison. L'ISF ne sert pas, la suppression, la réforme de l'ISF ne va pas, dans la majorité des cas, servir à l'investissement. Donc c'est intéressant. Et puis après, il y a cette idée, et on l'a bien vu, et ça rejoint la colère des Gilets jaunes, c'est que les réformes fiscales qui ont été faites par Macron, elles touchent quoi? La réforme de l'ISF, la réforme sur les revenus financiers, la flat tax, enfin c'est les gens qui ont des revenus financiers qui profitent aux 10% les plus riches, et la baisse d'impôt sur les sociétés, qui s'arrangeaient déjà pour les grosses sociétés à faire de l'optimisation fiscale, mais là, elles paieront encore moins d'impôts. Et de l'autre côté, on augmente la fiscalité sur les classes moyennes, avec la taxe sur les carburants, avec les cigarettes, etc. Donc, de plus en plus, c'est pas normal et c'est pas acceptable que le café du coin en bas paye les impôts que Starbucks ne veut pas payer, ou que le restaurateur paye les impôts que McDo ne veut pas payer, ou que la librairie paye les impôts qu'Amazon ne paye pas. Donc, il y a un vrai problème de justice fiscale qu'il faut résoudre, et c'est pas en baissant la fiscalité sur les plus riches. Thomas Porcher, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté les Beatles dans leur chanson la moins glorieuse qui soit, s'appelle Taxman. C'est une chanson un peu poujadiste contre les impôts. Mais comme c'est les Beatles et que vous entendrez le pizzicato de George Harrison qui est magnifique, on ne va pas s'en passer. Thomas Porcher, faut-il en France une grande réforme fiscale qu'on attendait d'ailleurs avec François Hollande, qui est un fiscaliste, hein, il n'y a pas eu cette grande réforme fiscale. Est-ce que ça passe, est-ce que plus de justice sociale passe par là, notamment? Oui, oui. Enfin, il faut dire les choses, c'est dans les pays de l'OCDE, quand on regarde, si la fiscalité n'avait pas bougé les 30 dernières années, les transferts n'avaient pas bougé, et ben il y aurait 40% en moins d'inégalités. Ça, c'est une réalité. Alors, c'est pas le cas de la France, comme j'ai dit, parce que la fiscalité est un peu plus lourde, donc on a moins d'inégalités que dans nos pays voisins. Mais il y a un lien direct entre impôts et lutte contre les inégalités. Donc, l'impôt est important. Maintenant, il faut que l'impôt soit juste. Et aujourd'hui, le système ne fonctionne pas bien, parce que c'est pas normal que des PME aient une pression fiscale supérieure à celle du 440. Ce n'est pas normal, parce que le 440 peut faire de l'optimisation fiscale. Et c'est pas normal que les classes moyennes aient une pression fiscale plus forte que les très très hauts revenus. Donc là, il y a une vraie question pour refonder la fiscalité pour qu'elle soit plus progressive et donc plus juste. Aujourd'hui, on remplace de plus en plus des impôts progressifs par des impôts qu'on appelle régressifs, c'est-à-dire taxes sur la consommation, TVA, etc., qui pèsent plus cher, qui sont plus coûteux pour les ménages les plus modestes. Donc il y a une vraie question à avoir sur la fiscalité. Parce que tant que cette fiscalité est injuste, le consentement à l'impôt est remis en cause et par ça, tout le monde. Ça, c'est un vrai problème. Bien sûr que c'est un problème. Ce que disent les Gilets jaunes est aussi adossé à cette injustice fiscale? Oui, n'oublions pas que c'est parti avec la taxe sur le gazole. Vous voyez, qui peut être, enfin, on appelait la taxe carbone, etc. On a dit que ça finançait la lutte contre la transition énergétique, ce qui n'est pas complètement vrai, mais la réalité, c'est que quand vous êtes un smicard, vous vivez pas dans les centres-villes, etc., il vous reste 16 euros par mois pour le loisir. C'est à peu près ça. 16 euros par mois. 32 euros par mois il vous reste pour le loisir. La hausse de la fiscalité sur le gazole ou la hausse des prix des carburants global sur les deux dernières années a mangé la moitié de ces 32 euros. De ce reste à vivre. Voilà, de ce reste à vivre. Ça veut dire qu'il vous reste 16 euros seulement maintenant pour vivre. Donc vous comprenez que les gens soient très sensibles à la hausse de la fiscalité sur les carburants. Donc il y a un vrai problème. Je pense que la classe moyenne se sent aujourd'hui plus étouffée sur la fiscalité quand on voit qu'on fait des cadeaux à des gens qui ont beaucoup d'argent et de moyens. Merci infiniment, merci. Thomas Porcher, pour tous ces éclairages d'économistes autour de cette question de l'impôt sur la fortune. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'ISF donc, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles et merci à Romain Mahé qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes jeudi, merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire Jean Bulot, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, comédien Philippe Pirard et David Mijot, réalisation Jérôme Boulet et Coy Nguyen.